ce qu'on observe, c'est que depuis l'irruption des réseaux Internet et autres, des télécoms, qui va de pair avec la mondialisation, il y a une transformation de cette courbe. Ce qui se passe, comme il y a une robotisation de l'industrie, comme il y a une spéculation à outrance, comme il y a le principe de la loi de puissance, the winner takes all, etc., l'idée que le gagnant emporte tout, il se crée des empires qui sont plus des empires locaux comme il y a quelques siècles, des baronnies ou autres, mais des empires planétaires, monopolistiques, etc., et fondés parfois sur donc les technologies de l'information telles Google. Bizarrement, il n'y a que un Google. Il y a un Facebook à côté qui ne fait pas tout à fait le même boulot, mais ils sont. Voilà. Mais il y a un Google. Ouais. Et en fait, ces technologies ont pris une telle accélération, et tout ça est lié aussi à la monnaie, à la mondialisation, etc. C'est que notre courbe, elle est en train de changer. C'est-à-dire que. Notre courbe, il y a une partie compétitive. Alors bien sûr, il y a les exclus qui sont de plus en plus nombreux, mais c'est peut-être pas ça tellement le problème. Enfin, si c'est lié, mais disons que notre partie compétitive ascendante naturelle, elle est de plus en plus ascendante, elle est de plus en plus raide, de plus en plus compétitive, et l'élite, entre guillemets, la partie non compétitive, elle comprend de moins en moins de gens, et elle est de plus en plus élevée, de plus en plus, disons, voilà, ces gens ont une puissance absolument terrible. Tout ça est lié à la structure du réseau, de la technologie, à cette centrale, à cette forme de perspective qui est mise en œuvre sur le réseau, qui est là, en l'occurrence, essentiellement une perspective temporelle, centrée. Google est centré. D'accord? Google est centré. Parce qu'on peut avoir la main dessus. Hein? Voilà, alors ce qui est en train de se passer là, les travers de la monnaie sont liés à cette centralisation, à mon sens. C'est au fait qu'en gros, on arrive au bout de la logique de la perspective temporelle inventée il y a 2 siècles avec l'irruption du télégraphe et les télécommunications. On a créé des dispositifs centralisés avec des points de fuite temporels qui correspondent à des lieux de pouvoir de plus en plus vertigineux. Et donc la courbe sociale dont je parlais tout à l'heure, là, elle est de plus en plus ascendante et de plus en plus insoutenable, puisque cette partie linéaire qui croît, cette partie compétitive, elle est très très raide. Et puis en fait, il y a plein de gens qui se cassent la gueule de cette partie-là. Ça correspond aux classes moyennes, en gros, hein. Les classes moyennes se cassent la gueule et se retrouvent, au contraire, dans la première partie de la courbe, qui est au ras des pâquerettes, pour le coup, c'est-à-dire des gens qui sont rejetés de la société.